C'est le moment de libérer la chatte. Est-ce que les garçons ne mettraient pas les filles qu'ils aiment vraiment beaucoup dans une sorte de bulle imaginaire sur un piédestal dont elles ne pourraient plus descendre? Ça peut arriver, tu crois? J'admets que je trouve les hommes physiquement attirants, mais sur le plan affectif, ils sont arriérés. Blabla, Gaïa, blabla, le monde, pouvoir de la vie menstruelle, etc. Mais combien de fois t'as simulé? Il y a des hommes beaucoup mieux que lui, dont la cervelle n'est pas détériorée par des histoires de pénis. Ah, c'est que ça alors? T'es juste venu me pomper des infos. Qu'est-ce que tu voulais que je te pompe d'autre? Moi j'adore les histoires de pénis. Oh là là, voilà un béguin que j'aimerais me faire. Tu n'es pas la première femme avec qui je sors. Mais t'es pas la première hétéro avec qui je sors. Hétéro? Je pourrais te chevaucher jusqu'à ce que tu me demandes grâce et que tes yeux se révulsent. J'ai une force que même dans tes rêves, tu n'oserais m'envier. J'aurais un plaisir fou à te broyer pour te voir exploser comme un bouchon de champagne et tu me supplieras de te maltraiter un peu plus. Des litres de salive pour faire glisser des mots, pour humecter des muqueuses, lécher des plaies et cracher sur l'amour. Et on cracherait dessus jusqu'à le réhydrater, jusqu'à ce que le petit haricot sec, radin, hétérocentré, hétéronormé, hétérochiant, devienne un joli truc tout palpitant, luisant, doux et rebondi qu'on aurait envie de glisser entre nos lèvres. Alors, j'ai pas fait d'émission depuis 2 mois. Et pour reprendre en douceur, je me suis dit que ça serait vraiment super de choisir un sujet tellement vaste qui donne le vertige. Et en fait, c'est un sujet dont on parle un petit peu à chaque fois. Et du coup, on va parler de les récits culturels à propos des relations affectives et des sexualités. On va essayer dans un premier temps de définir un petit peu ce que c'est. Et puis on fera de l'exploration hasardeuse et parcellaire avec des exemples. Et bon, en plus, mon émission, elle n'est pas très très bien rangée. J'ai ouvert plein de tiroirs, j'ai eu envie de piocher dans beaucoup beaucoup de bouquins. Alors voilà, c'est un petit peu le désordre et le fourre-tout intense de tout ce dont j'avais envie de parler. Après quand même, il y a eu du tri, parce qu'on ne peut pas tout garder. Et d'ailleurs, les récits culturels, eh ben, il vaut mieux pas tous les garder, oui. Ou alors pour servir de combustible, peut-être. Et bon, tout ce fatras, ça peut servir par exemple de présentation. Voilà, je vous présente les récits culturels à propos de genre, de relations affectives et de sexualité. La salive est un liquide biologique sécrété par les glandes salivaires à l'intérieur de la bouche chez la plupart des animaux. La salivation est la production de salive, tandis que l'insalivation et l'imprégnation des aliments par la salive au cours de leur passage dans la bouche et de leur mastication. Chez l'être humain, elle contient aussi de nombreuses cellules provenant de la langue et des muqueuses de la bouche, ce qui la fait utiliser pour l'échantillonnage de l'ADN individuel. Seule une moitié du litre de salive produite par jour est sécrétée lors des repas. D'une personne à l'autre, la sécrétion peut varier de 500 à 1200 ml par jour. 70% d'origine parotidienne, 20% submandibulaire, la production des autres glandes étant relativement négligeable. La sécrétion de repos serait d'environ 100 ml par jour, alors que la sécrétion stimulée serait environ 10 fois supérieure. Le débit de sécrétion montre des variations nictémérales, minimum à 3 heures, maximum entre 12 heures et 22 heures. Un organisme humain peut produire plus de 36 000 litres de salive en une vie, soit plus d'une demi-tonne de ce liquide par an. À côté de la phonation et des repas, la déglutition salivaire est de loin le travail le plus important fourni par la bouche. En moyenne, il y a 2 déglutitions par minute, de jour comme de nuit. Et voilà, c'était Wikipédia Donc, la salive, c'est naturel, mais ce que j'en fais et comment je le fais, c'est pas si naturel que ça. Mais des fois, si, un peu. Bon, j'ai pas dit que ça allait être simple. Tout ça, c'est imbrication mutuelle et compagnie. C'est naturel de saliver quand on met un truc dans sa bouche. C'est naturel d'avoir la bouche sèche quand on est stressé. C'est des réactions physiologiques. Mais par contre, les horaires auxquels on décide de manger, les trucs qui font saliver ou pas, le fait de manger assis et mes pattes écoutent sur la table, ferme la bouche quand tu mâches, bon, tout ça, ça n'a rien de naturel. On fait avec nos corps et nos organes, et puis si ça déborde, on met un bavoir. Des fois, c'est logique par rapport à notre physiologie, et des fois, non. Et tout ça, ça peut être appliqué à toute autre chose qu'à comment on mange. Par exemple, comment on a du contact physique, comment on fait les relations, comment on fait le sexe, même le bavoir. La culture, donc, eh ben, c'est modifiable, mais c'est pas vraiment effaçable. C'est inévitable d'avoir une culture ou à peu près. Puis bon, c'est aussi un truc sympa d'être entouré de récits qui parlent du sens des choses. Qu'on ait des manières de faire les trucs, une seule ou plusieurs, et que ça vienne d'habitude, de réflexion, tout ça. Je sais pas trop si on peut faire autrement, en fait. Donc la culture, c'est ce qui explique pourquoi et comment on fait les choses, en gros. Pourquoi on mange avec des fourchettes, pourquoi on a l'habitude de former des duos humains de genres différents et cohabitants qui font des bébés, pourquoi on danse et comment. Des fois, c'est logique, des fois, non. En tout cas, ça pourrait se passer autrement. Les récits culturels, eux, justifient, encouragent et expliquent le comment et le pourquoi on fait les choses. Ils expliquent aussi comment et pourquoi on ressent les choses et on les exprime. Ces récits illustrent la plupart du temps les rapports de pouvoir qui sont présents déjà dans la société qui les produit. Et dans notre société classiste, raciste, sexiste, transphobe, grossophobe, homophobe, ce n'est pas hyper brillant. Les récits culturels, ils sont présents dans les productions culturelles, les films, les livres, les séries, les chansons, tout ça, tout ça. Mais cette présence, c'est un reflet de ce qui se passe en dehors de la fiction. Ou en tout cas de comment les personnes à la source de la dite production culturelle perçoivent et retranscrivent les récits culturels qui les habitent. Oui, bon, récit culturel, c'est vraiment beaucoup de choses, c'est un peu tout en fait, c'est toutes les histoires, toutes les interprétations, toutes celles qui ont du sens et qui sont reconnues, pas forcément approuvées, hein, mais qui sont familières par et pour un groupe humain. L'Occident a pas mal de récits communs, et c'est le cas aussi concernant les rapports de genre, les relations affectives et les sexualités. Ce qu'on désigne comme progrès en général, c'est d'aller vers moins d'inégalités entre les êtres et de modifier la culture pour qu'elle écrase moins certains groupes. Et certaines productions culturelles sont produites à cet effet. D'autres suivent aussi les changements sociétaux. Généralement, il se passe un petit peu les deux dans les productions culturelles se voulant progressistes. Elles sont reflets d'une amélioration. Le fait même qu'elles existent est le reflet d'une amélioration. Mais en même temps, c'est une impulsion vers un progrès, la création d'un espace où un nouveau récit existe et peut s'ancrer dans nos têtes. Et puis aussi, il y a la valeur des choses, des rôles, des pratiques, les systèmes culturels de valeurs. Et dans le culturel, bien sûr, il faut inclure le matériel. Comment on vit, avec quelles ressources et quels moyens, avec quelles oppressions on doit compter. Piou ! Allez, une petite introduction musicale avec une chanson qui a marqué mon paysage mental et ma vision de l'amour. Voyage, courte de fruits,

La théorie du cinéma a analysé les manières dont notre capacité à fantasmer est intensément stimulée quand nous regardons un film de fiction. En engageant le désir et l'identification du spectateur dans les scénarios et la progression du récit, le film nous émeut et nous fait avancer avec lui en liant fantasme et image. En situant, en déplaçant et en repositionnant le spectateur comme figure dans cet imaginaire, ce monde imagé, comme s'il y était présent et y participait émotionnellement. Ce qui revient à dire que le film construit un espace narratif et y dessine une place pour ceux qui le regardent. La construction par le film d'un champ de vision et de signification qui va être perçu comme émanant de ceux qui regardent fait du spectateur le point de cohérence de celui-ci. Cette construction contribue donc à la production de position du sujet et à la fabrication, plus rarement à la déconstruction, des identités sociales genrées pour les spectateurs dans le processus même de voir. Un processus que la théorie du cinéma appelle « spectation » ou « spectatorship » en anglais. C'est une autre manière de dire que la construction d'un imaginaire populaire grâce aux représentations cinématographiques et aux fantasmes publics du cinéma produit chez les spectateurs des structures de connaissances et de sentiments qui s'adaptent et font écho aux structures des fantasmes subjectifs des spectateurs individuels. J'entends donc, par « fantasme public », les récits culturels dominants et les scénarios de l'imagination populaire qui s'expriment dans les mythes, les sagas médiévales, les textes sacrés, les épopées et d'autres formes de récits visuels, écrits et oraux qui racontent l'histoire d'un peuple, d'une nation ou de tout un chacun et qui en reconstruisent les origines, les luttes et les accomplissements. Nous sommes tous familiers de quelques-uns de ces récits des cultures occidentales, d'Homère à la Bible en passant par les Nibelungen et Kelevada, la Divine Comédie de Dante, le Paradis perdu de Milton, et de leurs équivalents modernes dans le cinéma que sont Naissance d'une nation, Potemkin, Le Triomphe de la Volonté, Ben-Hur, Autant en emporte le vent, Apocalypse Now, Terminator et bien d'autres encore. Tous représentent, à travers des types très variés de conflits et de choix moraux, la construction de la nation, d'une nouvelle société, et la place qu'occupe l'individu comme agent et sujet dans ce nouveau monde. Alors, l'impact des récits, ça fonctionne à plein de niveaux dans nos vies sociales, notre rapport aux autres, et puis notre rapport à nous-mêmes dans nos têtes. Nos récits personnels de ce qu'on veut, de ce qui nous fait peur et qui se mélangent avec les récits normés et ce qui accroche en nous, ce qu'on laisse de côté, ce à quoi on va s'opposer. Bon, tout ça, ça fait un joyeux bazar quand même. Et du coup, on va continuer avec une lecture à propos de la psyché humaine et de comment la culture l'impacte. Et aussi de clichés sur la structure de la psyché, qui sont eux-mêmes devenus des récits culturels. On va parler des schémas qui sont présents dans la psychanalyse, en tout cas dans une certaine psychanalyse. Ainsi, le monde tout entier est un grand registre où viennent s'inscrire les langages les plus divers, tels le langage de la mode, le langage de l'inconscient, le langage de l'échange des femmes ou des êtres humains sont littéralement les signes qui servent à la communication. Ces langages, ou plutôt ces discours, s'emboîtent les uns dans les autres, s'interpénètrent, se supportent, se renforcent, s'auto-engendrent et en engendrent d'autres. La linguistique engendre la sémiologie et la linguistique structurale. La linguistique engendre le structuralisme, lequel engendre l'inconscient structural. L'ensemble de ces discours effectue un brouillage, du bruit et de la confusion, pour les opprimés, qui leur fait perdre de vue la cause matérielle de leur oppression et les plonge dans une sorte de vacuum ahistorique. Car ces discours donnent de la réalité sociale une version scientifique, où les humains sont donnés comme invariants, intouchés par l'histoire, intravaillés par les conflits d'intérêts et de classe, avec une psyché pour chacun identique parce que programmée génétiquement. Également intouchés par l'histoire et intravaillés par les conflits de classe, cette psyché fournit aux spécialistes depuis le début du XXe siècle tout un arsenal d'invariants, le fameux langage symbolique, qui a l'avantage de fonctionner à partir de très peu d'éléments, puisque les symboles que la psyché produit inconsciemment sont très peu nombreux. Ils sont donc, par voie de théorisation et de thérapie, très faciles à imposer à l'inconscient collectif et individuel. Moyennant quoi, on nous apprend que l'inconscient a le bon goût de se structurer automatiquement à partir de ses symboles, métaphores. Par exemple, le nom du père, le complexe d'Œdipe, la castration, le meurtre ou la mort du père, l'échange des femmes, etc. Pourtant, si les inconscients sont faciles à contrôler, ce n'est pas par n'importe qui. Et de même que les révélations mystiques, l'apparition des symboles dans la psyché exige des interprétations multiples. Seuls des spécialistes sont à même de mener à bien le déchiffrement de l'inconscient. Eux seuls, les psychanalystes, sont autorisés à opérer les groupements de manifestations psychiques qui feront surgir le symbole dans son plein sens. Et tandis que le langage symbolique est extrêmement pauvre et essentiellement lacunaire, les langages ou métalangages qui l'interprètent se développent, chacun d'eux avec un faste, une richesse que seules les exégèses théologiques ont égalé. Qui a donné aux psychanalystes leur savoir ? Par exemple, pour Lacan, ce qu'il appelle le discours psychanalytique et l'expérience analytique lui apprennent, entre guillemets, tous deux, ce qu'il sait déjà. Et chacun lui apprend ce que l'autre lui a appris. N'ira-t-on que Lacan ait pris connaissance scientifiquement dans l'expérience analytique, une expérimentation en quelque sorte, des structures de l'inconscient ? Fera-t-on irrationnellement abstraction des discours des psychanalystes couchés sur leur divan, des psychanalysés couchés sur leur divan ? Pour moi, il n'y a aucun doute que Lacan ait trouvé dans l'inconscient les structures qu'il dit y avoir trouvées, puisqu'il les y avait mises auparavant. Celles et ceux qui ne sont pas tombés au pouvoir de l'institution psychanalytique peuvent éprouver un immense sentiment de tristesse devant le degré d'oppression, de manipulation, que les discours des psychanalysés manifestent. Car dans l'expérience analytique, il y a un opprimé, c'est le psychanalysé, dont on exploite le besoin de communiquer et qui, tout comme les sorcières jadis, ne pouvait, sous la torture, que répéter le langage que les inquisiteurs voulaient entendre, n'a d'autre choix s'il ne veut pas rompre le contrat implicite qui lui permet de communiquer et dont il a besoin, que d'essayer de dire ce qu'on veut qu'il dise. Il paraît que ça peut durer à vie. Cruel contrat qui contraint un être humain à faire étalage de sa misère à l'oppresseur qui en est directement responsable, qu'il exploite économiquement, politiquement, idéologiquement, et dont l'interprétation le réduit à quelques figures de discours. Monique Wittig, La pensée straight, page 68. Ok. Alors j'espère que c'était pas trop intense. Et bon, bah si ça l'était, tant pis. On va aller faire un tour du côté de quelque chose d'un petit peu plus léger. On va faire un petit tour du côté de la NIC avec la culture sexuelle. Donc on va écouter un extrait d'un bouquin qui parle des scripts de la sexualité. L'auteur, c'est John Gagnon, et dans son bouquin, il décrit le déroulement d'un rapport qu'on peut dire hétéronormé, nous. Hein. Et ce déroulement précis, il l'appelle le script sexuel. Le script possède deux dimensions. Tout d'abord, la dimension interpersonnelle, qui est constituée par les normes communes à deux ou plusieurs personnes se lançant dans un acte sexuel, durant lequel une dépendance mutuelle se développe. Ensuite, la dimension intrapsychique concerne quant à elle les éléments produisant l'excitation et l'implication de l'individu dans cet acte. Il est important de remarquer que des actes semblables peuvent receler des significations totalement différentes, selon l'individu qui est impliqué ou même selon les périodes de sa vie. La perception que l'on a de tel ou tel acte sexuel influe sur la façon dont nous allons le vivre, bien plus que le contenu concret de l'acte. Il y a une contextualisation sociale et psychologique à faire pour toute expérience sexuelle. Gagnon décrit ainsi les étapes du rapport. Une première suite d'actions modérément prévisibles, en commençant par s'étreindre et s'embrasser, ensuite procéder à des attouchements mutuels du corps habillé, d'abord au-dessus puis en dessous de la ceinture. Cette phase est suivie par une phase intermédiaire de caresses et de baisers réciproques sur les corps à moitié déshabillés ou nus, incluant souvent des caresses manuelles des parties génitales. À ce point, on se trouve à un carrefour de possibilités qui vont dépendre des couples et des situations. Dans certaines circonstances, certains couples peuvent procéder au coït. l'un ou les deux individus peuvent s'engager dans des contacts orogénitaux avant ou après le coït. Le couple peut aussi s'engager dans différentes formes de sexe anal. Et une première suite d'actions modérément prévisible en commençant par s'étreindre et s'embrasser. Ensuite, procéder à des attouchements mutuels du corps habillé. D'abord au-dessus, puis en dessous de la ceinture. Cette phase est suivie par une phase intermédiaire de caresses et de baisers réciproques sur les corps à moitié déshabillés ou nus. Incluant souvent des caresses manuelles des parties génitales. À ce point, on se trouve à un carrefour de possibilités qui vont dépendre des couples et des situations. Dans certaines circonstances, certains couples peuvent procéder au coït. L'un ou les deux individus peuvent s'engager dans des contacts orogénitaux. Le couple peut aussi s'engager dans différentes formes de sexe anal. Une première suite d'actions modérément prévisible en commençant par s'étreindre et s'embrasser, ensuite procéder à des attouchements mutuels du corps habillé d'abord au-dessus puis en dessous de la ceinture. Cette phase est suivie d'une phase intermédiaire de caresses et de baisers réciproques sur les corps à moitié déshabillés ou nus, incluant souvent des caresses manuelles des parties génitales. À ce point, on se trouve au carrefour de possibilités qui vont dépendre des couples et des situations. Dans certaines circonstances, certains couples peuvent procéder au coït et l'un des orogénies anales. Et oui, le problème avec la normativité du script sexuel, c'est qu'au bout d'un moment, on s'ennuie un petit peu. Un exemple de récit culturel à propos de sexualité qui est un mythe et nous perturbe bien de la nique, c'est la difficulté à atteindre l'orgasme lorsqu'on est équipé d'une vulve. L'orgasme des personnes à vulve, en fait, il n'est pas physiologiquement plus compliqué à atteindre. Ça a d'ailleurs été démontré il y a un bout de temps, hein, quand même, dans les années 60, par des études de Masters et Johnson, qui ont chronométré le temps nécessaire pour atteindre l'orgasme dans une situation de masturbation, et qui ont comparé selon le sexe des participants-participantes. Donc on sait que, en fait, les organes dont on dispose n'ont rien à voir avec la durée qu'on doit mettre en place pour atteindre l'orgasme. Donc par contre, ce qui fait que l'orgasme est plus difficile à atteindre quand on a une vulve dans notre contexte social, c'est que les normes autour de la sexualité facilitent plutôt le plaisir et l'orgasme masculin dans les types de pratiques, tout comme dans le fonctionnement relationnel. Mais est-ce que c'est pas surtout le fonctionnement relationnel qui nique tout, plutôt que les pratiques? Parce que, par exemple, bon, la pénétration, prenons ça comme exemple. Déjà, on peut l'appeler la pénétration autrement. Il y a un terme qui existe qui s'appelle l'enveloppement, pour le remplacer. C'est un des termes. Et donc, enveloppement, ça exprime un rôle plus actif du vagin quand on parle de rapport pénis-vagin. Ou God-vagin, enfin bref, vous suivez quoi. Donc, une perception différente peut se construire dans le langage. Le vagin, perçu comme passif, c'est pas quelque chose de neutre, ça fait partie de notre système de valeurs. En utilisant enveloppement, par exemple, au lieu de pénétration, on sort de ce système de valeurs, enfin on essaye. Et là, dans ce cas au moins, on s'ouvre à une vision plus réaliste, y compris d'un point de vue biologique. Puisque le vagin, ça n'a rien d'un trou inerte, c'est un muscle. Et physiologiquement encore, le vagin et l'ensemble musculaire du périnée peuvent être source de sensations vraiment sympas quand on met des trucs dedans. La pénétration ou enveloppement n'est pas synonyme de passivité féminine. C'est la façon dont elle est pratiquée qui l'est par contre bien souvent. Et l'imaginaire de passivité de nos normes sociales et de nos normes sexuelles appuie tout ça. On pourrait penser les choses encore différemment. On peut se dire que le mot pénétration ne devrait pas avoir de connotation de domination et qu'on doit viser un idéal dans lequel la pénétration et le terme de pénétration sont déchargés de l'idée de domination. Voilà, bon courage. Et maintenant, on va parler d'un élément très présent dans les récits culturels sur les relations affectives. On va parler de la jalousie. La jalousie, elle est souvent montrée et perçue comme inévitable, dans les relations, surtout dans les relations amoureuses, mais pas que. Et elle est utilisée pour justifier la violence, mais aussi elle est vue comme preuve d'amour avec, avec une perception sexo-différenciée, bien sûr. Bah, c'est-à-dire que dans un couple hétéro, une meuf jalouse, c'est une meuf relou. Et un type jaloux, c'est un type qui répond à sa nature de mâle et qui est super. Voilà. Dans le bouquin La salope éthique, il y a une liste de pas mal des mythes en vigueur dans notre société à propos de l'amour. Et donc, il y a un petit point sur le mythe de la nécessité de la jalousie. Mythe numéro 5. La jalousie est inévitable, on n'y peut rien. La jalousie est une expérience commune à beaucoup de gens, à tel point qu'une personne qui ne ressent aucune jalousie est considérée comme bizarre ou soupçonnée de refouler ses émotions. Mais chaque être humain est différent. Une situation susceptible de déclencher une forte jalousie chez vous peut laisser un autre complètement froid. Certains sont jaloux quand leur copine boit une gorgée de bière dans le verre d'un autre. D'autres regardent avec satisfaction leur amoureux partir pour un mois de vacances sportives avec leur amant à l'autre bout du pays. De plus, certains croient que la jalousie est une émotion si dévastatrice qu'on ne peut rien y faire. On doit forcément y succomber. En général, ce sont les mêmes personnes qui pensent que toute forme de non-monogamie doit forcément être non-consensuelle et tenue secrète afin de protéger le partenaire trahi de la nécessité de ressentir une émotion si difficile. Nous sommes persuadés du contraire. Nous en sommes arrivés à la conclusion que la jalousie était une émotion comme une autre. Elle fait mal, parfois très mal, mais honnêtement, on n'en meurt pas. Nous avons aussi découvert que beaucoup d'idées préconçues sur la manière dont les choses devraient être et qui mènent à la jalousie peuvent être désapprises, et que ce processus de désapprentissage est très utile. La jalousie est parfois mêlée à des sentiments de chagrin et de perte, ce qui peut être plus difficile à interpréter. La société nous apprend que si notre partenaire a une relation sexuelle avec quelqu'un d'autre, nous avons perdu quelque chose. Au risque de poser une question stupide, qu'avez-vous perdu exactement ? Quand notre partenaire rentre d'un rendez-vous torride, il est bien souvent excité et plein de nouvelles idées en tête qu'il aura envie d'essayer à la maison. Donc honnêtement, nous ne voyons pas bien ce que vous avez perdu. Le sentiment de perte ressentie n'est-il pas dû à l'impression d'avoir perdu un idéal, en l'occurrence l'image de la relation monogame parfaite ? Bon alors, on n'est pas au top de l'analyse politique vénère hein, dans ce bouquin. C'est plutôt quelque chose de tout public, pas très pointu. Mais on voit quand même dans cet extrait une reconnaissance des pressions normatives comme étant la source des émotions liées à la jalousie. En tout cas comme étant une des sources. Pour lire un texte plus militant qui parle de ça, on peut aller lire le texte sur les relations affectives de Corinne Monnet qui est sur InfoKiosque et j'en parle sans cesse. Voilà. Dans les séries et les films récents, en tout cas dans les trucs mainstream et accessibles, j'ai l'impression que c'est un peu pareil aussi dans les bouquins, dans plein de trucs, on commence à avoir plus de représentativité des personnes bi, lesbiennes, PD, trans, racisées, d'une façon qui peut d'ailleurs un peu faire catalogue Benetton des fois, genre de façon superficielle, sans que ça ait du sens et que ça soit traité de façon réaliste. Mais bon, quand même, c'est pas mal que, par exemple, tout le monde ne soit pas systématiquement hétéra. J'ai pas pu m'empêcher de remarquer que malgré cette amélioration de la représentativité, on voit encore très peu de personnes non monogames. De personnes consensuellement non monogames. Et c'est encore moins commun de voir des exemples positifs de relations non monogames. Les films et séries qui abordent le sujet sont rares. Et j'ai l'impression que celles dont certains personnages ne sont pas dans des relations exclusives, sans que ça soit le sujet principal du film ou de la série ou du bouquin, et ben ça c'est encore rare que ça soit pas le sujet principal. Peut-être parce que la monogamie c'est toujours pas très remis en question dans la vie. Ça reste un sujet, ça peut pas être juste une caractéristique comme une autre des personnages, il faut que ça soit pointé comme ça. Mais cependant, pendant les vacances, j'ai regardé Black Sails. Alors Black Sails, c'est une espèce de grosse production états-unienne bien vénère, dégueu, qui se situe en 1700 et des poussières dans les Caraïbes. Ambiance, il n'y a pas beaucoup de salles de bain, c'est la colonisation. Les gens se cassent la tête, hein, et il y a l'Angleterre et l'Espagne qui se tapent. Voilà. Dans la série, il y a une île qui est peuplée de beaucoup, beaucoup de pirates et où il y a peu d'autorité des États. La série est sortie vers 2013, je crois, et il y a 4 saisons. Donc ça cause principalement de pirates extrêmement attirantes sexuellement qui se tapent dessus, complotent et font des abordages. En butant des gens un peu au hasard, oui, bon, c'est pas le truc que tu regardes pour le scénario. C'est plutôt de l'ordre de la distraction. Mais déjà les pirates, ils ont une conscience de classe là-dedans et fréquemment, ils ont des pulsions de péter la tête des bourgeois. Il y a un personnage de pirate prolo qui est très agréable à regarder, oui, vraiment, le capitaine Charles Vane, qui pourrait être renommé le capitaine Flack. Mais bon, oui. Donc, c'est une série très, très mainstream, états-unienne. Et bien là-dedans, à ma quand même très grande surprise, et bien hop là, il y a deux... Pas qu'un, en plus. Il y a deux trios de personnages qui sont en relation non monogame, en trio, comme ça. Il y a aussi plusieurs personnages bi, là-dedans. Et tout ça, tranquillement, c'est pas vraiment un sujet, en fait. C'est juste ainsi que les gens vivent. Ah, je vais mentionner quelques trucs en essayant de pas trop spoiler, mais il y a des moments où ça devient un peu un sujet. Par exemple, quand un type qui est en relation avec un amoureux et l'épouse de cet amoureux, il évoque brièvement sa honte à lui d'aimer un type. Donc il y a une évocation de la persécution des types qui aiment d'autres types. Ouais, je parle pas d'homophobie parce que je trouve ça un peu pas trop d'époque et c'est un peu léger comme terme pour l'époque justement. Mais bon, la série, elle les montre comme s'aimant beaucoup tous les trois et dans des relations affectives solides et loyales. Donc c'est assez positif comme modèle. L'autre trouble dans la série, il se forme pendant les événements de la série, alors que l'autre était préexistant. Et bon, il y a des scènes de discussion posées entre toutes les personnes. Bon, il y a un mec 6 et 2 meufs 6 dans ce trouble. Et du coup, les gens, ils discutent de leurs émotions et de la relation un peu, voilà. Le type, au début, il est jaloux et puis il tire la tronche, voilà, c'est quand même un type. Mais bon, il finit par juste discuter, il dit ce qu'il ressent, ses besoins, tout ça. Enfin, je sais pas s'il y a tellement de personnes contemporaines qui arrivent à faire comme Jack Rackham dans Black Sails. Et les histoires monogames, elles sont pas trop clichées non plus. Il y a des rapports de pouvoir un peu subtils et c'est ouvert à la négociation aussi. Bon, je vous cache pas, il y a quand même des trucs problématiques. Hein. Par exemple, on voit bien plus de sexe entre meufs que de sexe entre types. Le mec bi, c'est un peu le personnage raffiné et bourge parmi les pirates, et ça correspond à certains clichés sur les types gays. Bon, on peut pinailler, c'est toujours intéressant de pinailler, mais n'empêche, moi ça m'a fait un peu du bien de mater un gros truc mainstream de bagarres et de gens sexy, en n'étant pas, en parallèle, hyper saoulé par les histoires sentimentales qu'il y avait dedans. Maintenant, on va écouter des extraits d'un bouquin qui parle de culture sexuelle et de fiction. Poe, à propos de sexe, de classe et de littérature. Dorothy Allison. Page 113. Je trouve frustrant que tant de gens classent l'érotisme et le quotidien en catégories si obstinément distinctes. Il y a cette idée selon laquelle le sexe peut être séparé de la vie, que la pornographie est non seulement dévalorisée et physiquement suspecte, mais aisément identifiable. Lorsque le sujet est abordé et que des femmes s'érigent en parangons de vertu, j'ai envie de leur demander de me parler de leurs fantasmes de jeunes filles. Peut-être ont-elles, maintenant qu'elles ont grandi, mis une croix sur leurs rêveries érotiques. Mais qu'est-ce qui leur faisait accélérer le souffle lorsqu'elles étaient jeunes ? Ne sont-elles jamais revenues du cinéma après un film inepte pour s'allonger en travers de leur lit et s'imaginer en héroïne triomphante, en héroïne en danger, ou même dans le rôle de la méchante, celle qui prend le héros, l'héroïne au piège, et a toujours les meilleures répliques dans le dialogue ? Je me demande si une autre que moi a vu le film Barbarella et a fantasmé non pas sur le visage blanc de Jane Fonda, qui n'est d'aucune aide, ni sur le torse musclé d'Angèle, mais sur la reine noire qui faisait tournoyer ses poignards d'un regard menaçant. Il est facile de susciter l'indignation à propos de publications cochonnes sexistes que la plupart des gens se défendent de lire de toute façon. Il est plus dur de faire réfléchir, encore plus dur de faire parler, sur l'imaginaire érotique à l'œuvre dans les films ordinaires, les best-sellers romantiques faciles, et les programmes télé bourrés de clichés qui créent de toutes pièces des fantasmes sexuels bien plus efficaces que les publications pour adultes qui pullulent sur le marché. Parler de la façon dont notre imagination sexuelle fonctionne nous trouble toujours. Même si nos désirs sont à milieu des scénarios de cuir noir et de chrome que nos juges aux affaires sociales voudraient interdire. Pour les féministes, il semble tout simplement dangereux d'étudier l'imaginaire sexuel. Le sexe est imprévisible, irrationnel, sournois et d'une portée considérable. Pire encore, il résiste complètement au légalisme simple ou aux catégories philosophiques. Une grande part de l'imagerie sexuelle ne satisfait pas d'une interprétation unique, mais d'un éventail de significations à différents niveaux qui dépendent du contexte, des goûts personnels et du symbolisme dont elle se pare. Je me souviens très bien d'une de mes meilleures amies lorsque j'étais adolescente. Une fille qui ne semblait avoir d'affect sexuel d'aucune sorte, qui récitait son rosaire 3 fois par jour et qui préparait avec une détermination méthodique et obstinée son admission future dans un lointain couvent du sud-ouest du pays. En enfant de l'église baptiste, je trouvais son catholicisme exotique, fascinant et bizarrement pervers, en particulier sa manière d'en parler avec un côté sexuel dont elle n'avait apparemment aucune conscience. Sa façon de me décrire ses prières du soir, ses genoux qui lui faisaient mal et la douleur qui lui enflammait la nuque, l'image oppressante du Christ crucifié qui lui faisait presque arrêter le cœur, l'angoisse qui l'étreignait, tout cela me rappelait rien moins que mes propres immersions nocturnes dans des rêveries érotiques et leur orgasme libérateur et purifiant. Mon amie ne relevait aucune de mes allusions sexuelles indirectes. Je ne pense pas qu'elle ait jamais touché ses parties génitales, excepté pour les dissimuler prestement grâce à ses sous-vêtements de coton. Peut-être que sa manière à elle de refuser la honte sexuelle était de remettre tous ses sentiments entre les mains sincères et pures de la Vierge Marie. Tout bien considéré, elle était probablement plus en sécurité avec elle qu'avec moi. Page 225. J'avais 8 ans lorsque j'ai lu mon premier livre de porno hard. Je l'avais trouvé dépassant du matelas de mes parents un matin de printemps alors que je fouillais dans la table de nuit de ma mère à la recherche de pièces de 5 cents à tête de bison. Il n'y avait pas d'image hormis la couverture, le dessin d'un homme et d'une femme nue, le corps tellement serré l'un contre l'autre que l'on ne pouvait rien voir d'interdit. Je n'ai aucun souvenir du titre, contrairement à l'expression des visages. Fiévreuse, les yeux grands ouverts, les lèvres tirées en arrière. C'était évidemment un livre interdit. Je l'ai caché dans mon pantalon au cas où, et j'ai couru à la buanderie pour le lire. Tout bien considéré, il ne m'a pas troublé énormément. Je savais en quoi consistait la baise, pas dans les détails, mais l'idée générale. Je ne l'avais simplement pas encore fait moi-même. Je m'amusais toute seule. J'étais presque sûre que tout le monde faisait pareil, mais j'étais sûre aussi que chacune devrait prétendre le contraire. S'amuser toute seule était sale et vous rapportait une correction si votre maman ou vos tantes le découvraient. C'était ça le sexe et c'était très drôle. Drôle à se faire peur ou drôle comme les blagues de mes tantes. Il a une quéquette comme une banane d'une semaine. Serre-la, elle se ramollit dans ta main. Elle riait comme des folles et n'expliquait jamais rien. Mais toutes ces plaisanteries et des remarques de mes cousines, je m'étais fait une idée assez claire selon laquelle le truc du garçon frottait contre le truc de la fille, pendant qu'ils s'embrassaient tous les deux intensément. J'avais compris aussi que d'une certaine façon, cela était nécessaire pour qu'il y ait des bébés, bien que cela ne fasse pas les bébés. Dieu faisait les bébés. Bobby me l'avait dit et pas question que je croie que ma cousine préférée m'avait menti. Puisque désormais j'en savais tant, il était clair qu'il y avait quelque chose d'étrange concernant le livre que mes parents gardaient sous leur matelas. De toute évidence, ça ne pouvait pas exister. D'ailleurs, personne n'agissait de la sorte. Je ne pouvais pas imaginer tant de dots attirer le livreur dans le cellier et lui baisser de son pantalon. Je ne pouvais pas imaginer non plus, pas vraiment, les choses qu'ils auraient alors faites tous les deux. La lui mettre dedans ? Dedans quoi ? Ce n'était pas possible. À peu près en même temps, je lisais aussi une série de livres illustrés sur les mythes grecs. Zeus qui se changeait en cygne pour s'accrocher à Léda, Arachné transformée en araignée pour avoir énervé Athéna, des dents de dragon semées pour faire pousser des soldats meurtriers. Alors peut-être ce livre était-il vrai, comme toutes ces histoires l'étaient. Ce qui signifiait que le livre n'était pas du tout réel, tout comme les histoires féeriques et les livres d'horreur. Je m'étais donc retrouvée à lire la même semaine « La mythologie de Bullfinch et ma vie secrète ». Et j'en avais conclu que si un bébé ne pouvait lutter à mort contre les serpents depuis son berceau, de la même façon une femme ne pouvait pas fumer une cigarette avec son minou. C'est aussi facilement que ça que j'ai fait la paix avec la fiction. Il ne fallait pas que je m'inquiète à propos de ce truc, et comme tout ce qui avait à voir avec le sexe, ce n'était pas aux enfants d'en parler, surtout que les livres que je trouvais sous le lit de maman ne pouvaient que m'apporter des ennuis. Et on va faire une petite pause musicale pour exprimer ce que m'inspirent les récits culturels hégémoniques. On a maintenant pas mal d'exemples de productions de la culture mainstream qui critiquent la culture dominante. Parmi ces exemples, j'ai choisi de parler d'un épisode de la série Girls. Cet épisode, y a un épisode en particulier qui nous parle du récit culturel du pauvre artiste ouin-ouin victime de sa célébrité et qui critique du coup ce script. Girls, comment décrire ? Girls, c'est une série états-unienne qui a été réalisée par Lena Dunham de 2012 à 2018 et dans laquelle on suit les vies de jeunes adultes, alors surtout des meufs, et on suit leurs histoires d'amitié, leurs histoires d'amour, leurs expériences diverses et variées. Les rapports humains, ils sont plutôt bien décrits et c'est très détaillé au niveau des amitiés entre les meufs et de ces histoires-là. Malheureusement, tout le monde est quand même très bourge dans cette série. Voilà, du coup, pour l'identification, c'est pas toujours super. Cet épisode spécial, donc. Le synopsis. Alors, l'héroïne, elle s'appelle Anna dans Girls. Dans l'épisode spécial, l'héroïne Anna a écrit un article de blog qui parle d'un quelconque écrivain célèbre qui a utilisé sa notoriété pour extorquer du sexe à des meufs qu'il admirait. L'écrivain en question, dont par ailleurs elle apprécie beaucoup le travail, hein, il l'invite chez lui pour discuter de cet article de blog. Et dans l'épisode, on est hésitante et mal à l'aise avec la personnage principale quand elle va chez le type, et on est plutôt poussé par la réalisation à adopter son point de vue à elle. On voit aussi toutes les techniques de manipulation qui sont déployées par le type dans cet épisode. Et elles apparaissent progressivement au fil de l'histoire. C'est presque aussi perturbant qu'en vrai, en fait. Donc ces techniques de manipulation, on peut les énumérer. Il la complimente et il lui laisse penser qu'il la trouve particulière. Il a voulu la voir à elle hein, parce qu'elle a l'air intelligente, trop intelligente pour ne pas comprendre que tout ça c'est plus subtil que juste un type célèbre qui agresse des meufs. Ensuite, il la pousse à l'empathie vis-à-vis de lui en lui disant des trucs personnels qui le montrent comme vulnérable. Il prend des antidépresseurs, il a une enfant, la pauvre, si elle lit son article, oulala, il a baisé tard parce qu'il avait de l'acné, enfin voilà, on connaît quoi. Ensuite, il remet en question ce qu'elle pense et ressent en invoquant son passé traumatique à elle, à l'héroïne. Et son passé traumatique à elle expliquerait sa trop grande sensibilité au sujet des agressions sexuelles. Il invoque le poids des normes sociales et le poids de sa propre célébrité comme si ça l'opprimait à lui, en fait. Et il pousse l'héroïne à remettre en question ce qu'il présente comme un cliché. Le cliché de l'artiste qui agresse sexuellement ses admiratrices. Lorsqu'elle est assez déstabilisée, il se montre intrusif et assertif. Bon, en fait, c'est un peu le manuel du parfait comportement abusif, quoi. Et dans ce cas, c'est une série grand public et mainstream qui dénonce, qui illustre et dénonce ce type de comportement. Pour les personnes qui seraient curieuses, c'est un épisode qui peut être regardé sans avoir vu du tout le reste de la série. Il a été fait pour fonctionner indépendamment. Et c'est l'épisode 3 de la saison 6. On va aller explorer un peu la féminité marginale, le pliage des normes par le biais du plaisir. Devenir chienne. Itziar Siga. Page 89. La rébellion dans le plaisir. En marge de tous les arguments invoqués contre la féminité comme construction d'un idéal de femme pour les hommes, un doute m'assaille toujours sur ce sujet lassant. Derrière tant d'assujettissement, il me semble apercevoir davantage le pli d'une soutane qu'une simple habitude. Un certain héritage christiano-communiste qui applaudit le sacrifice et le renoncement comme passeport pour la libération des femmes. Toutes les chiennes avec lesquelles j'ai parlé s'accordent sur le point suivant, la volonté de se construire depuis le plaisir. Et je sens à quel point cette vigilance permanente, pour soi-même comme pour les compagnes de lutte, s'ajoute à toutes les autres violences intériorisées avec lesquelles on essaye de nous domestiquer. « Il n'y a rien qui emmerde plus le système que notre hédonisme », m'a dit Hélène, par une soirée pluvieuse. « Nous, qui transgressons la norme hétéropatriarcale, gouine, pédé, trans, pute, féministe, nous sommes sommés de payer le péage du malheur. » Nous pouvons exister dans les marges à condition d'être vraiment malheureuses. On préfère toujours offrir de nous des images victimaires. Il ne faudrait pas que nous servions d'exemple. C'est pour ça qu'exhiber notre bonheur me paraît si subversif. Cette culpabilité rabat-joie, nous l'avons peu à peu décrochée de notre plaisir alors que nous explorions le tortueux chemin de la chiennerie. Nous avons découvert, soulagés, qu'on pouvait rentrer chez nous les doigts imprégnés d'une orgie et nous sentir juste délicieusement sales et pleines. Parfois, en baisant et en riant, une explosion libératrice te secoue de l'intérieur, comme si tu détruisais une fois pour toutes le sortilège patriarcal qui nous a rendus esclaves craintives avant même notre naissance. À l'automne 2002, j'ai écouté la philosophe belge Françoise Collin, et il n'était plus possible de faire marche arrière après avoir entendu ces mots. Se laisser porter est quelque chose d'humain, et fait donc partie du destin des femmes. Je ne sais pas si j'en suis arrivée à cette conclusion avec l'âge, mais il y a une forme de libération dans l'acceptation. Et je ne dis pas dans la résignation. La liberté, c'est chercher ce qui n'existe pas encore, mais aussi prendre en compte ses limites. C'est contradictoire, mais l'existence est toujours contradictoire. Il n'y a pas de plus grande insoumission que le rire et le plaisir. Je refuse d'être une guerrière aux sourcils éternellement froncés et aux cuisses fermées. J'essaie de ne pas me sentir coupable d'avoir survécu. Je refuse de réprimer mon désir et de me figer comme une bête constamment aux aguets. Même si nous sommes très revendicatives et critiques à l'égard du système, il y a des choses qui nous rendent heureuses. Certaines qui existent déjà et d'autres que nous inventons. Et nous nous en emparons. Ce texte d'Itziar Arziga, il m'a parlé parce que, en tant que meuf féministe, mais qui a une grande passion pour le maquillage, les paillettes, les poum-poum shorts, et puis même les chaussures que les gens y classent souvent dans la catégorie vulgaire. Et étant aussi par ailleurs un petit peu vexée que les gens y trouvent ces trucs-là vraiment très super sur des types 6. Alors que bah, sur moi, bon, je suis juste une gourgandine quelconque. Je dis gourgandine parce que je suis polie. Hein. Bon, la question de l'ambivalence vis-à-vis des codes de la féminité, elle s'est posée à moi pas mal de fois. J'ai essayé d'y répondre avec diverses stratégies et puis en prenant conscience aussi du rôle joué par ma classe sociale. Mais est-ce que ça suffit pour se détacher des codes de l'hétéropatriarcat ? Je vais pas répondre à ça, hein, mais je crois qu'il y a eu une émission qui parle de ça l'an dernier. Vous pouvez aller écouter le podcast de Hétéroland sur la féminité, sur le site de Radio Duo. Enfin bref. On a une culture et elle est un grand machin déjà là, avec des zones plus ou moins sympas, marquées par les rapports de pouvoir existants. Mais on peut la plier, la modifier, on peut tout casser, fabriquer des fils, les attacher ailleurs. On construit nous-mêmes nos narrations. On peut en tout cas. Et avec ces narrations, on peut s'aménager des espaces hors des récits dominants. Et puis pourquoi pas toute une vie. Maintenant, on va écouter une interview. Une interview dans le style l'instant où tout bascule. C'est le jour où j'ai arrêté d'avoir une planche à repasser et un fer à repasser et où l'idée du repassage est devenue impossible pour moi. Donc c'était un dimanche de la dépression, comme tous les dimanches de la dépression. Je vivais avec un amoureux depuis mes 18 ans. Et voilà, on était très amoureux et je pense qu'on était très cons, comme on peut l'être quand on est jeune et qu'on n'a pas... jeune hétérosexuel et qu'on n'a pas assez déconstruit des choses et qu'on croit que l'amour, ça implique certaines choses. Parce que ça peut être très rassurant aussi. Enfin voilà, ça peut être très rassurant quand on a 18 ans. Et du coup, voilà, c'était un dimanche, j'étais en train de repasser, j'avais fait de la compote de pommes. Super, quand on a 21 ans, en général, c'est pas glamour comme dimanche. Et du coup, la personne avec qui je vivais, lui, il aimait bien passer ses dimanches, et puis même tout son temps, à fumer des pétards, à regarder les Simpsons ou Lost, ça alternait entre l'un et l'autre. Un truc passionnant, on avait zéro conversation. Et du coup, je repassais du linge. Et je crois que... Enfin, j'étais complètement en dépression, sans doute. Dépression... est-ce que... Je sais pas si ça existe, la dépression de l'hétérosexualité, mais quand on est une meuf... Mais je pense que... Je sais pas, moi, j'ai plein de copines hétéras qui sont en couple monogame depuis très longtemps et qui sont complètement dépressives. Et je pense que c'est en grosse partie lié à leur, à leur mode de vie. Monogame et hétérosexuel de vivre avec un type 6. Enfin, sous ce régime-là, quoi. Au bout d'un moment, c'est un peu indigeste. Mais sauf qu'on le capte pas toujours. Bon, bref, j'étais en train de repasser. Et en fait, c'est fou parce que je m'étais jamais posé la question de pourquoi je repassais. Et en fait, d'un coup, d'un seul, c'est devenu complètement insupportable. Mais tellement, tellement insupportable. Et ça m'a fait comme des cloches dans la tête. Quelque chose de très très fort à l'intérieur de moi et en fait j'ai tout dézingué et j'ai jeté ma planche à repasser en bas, j'ai jeté mon fer à repasser, j'ai plus voulu repasser du tout. Et quelques mois après j'ai quitté mon mec. Et pour moi ça a été un peu le début, je crois, de quelque chose qui s'est inscrit très très fort à l'intérieur de moi, de pas vouloir de cette vie-là. Et d'ailleurs, repasser, en fait, c'est un truc complètement con. C'est une activité qui est juste absolument absurde, quoi. C'est s'évertuer à défroisser les choses. Comme si c'était grave qu'elles soient froissées. Ben non, c'est pas grave. Et de toute façon, le linge, ça existe pas. Le linge repassé, c'est pas du linge qui existe, en fait. Mais comme l'amour hétérosexuel, comme on le vit, c'est pas un truc qui existe non plus, la plupart du temps. Et c'est une tâche, enfin voilà, que ça soit la tâche hétérosexuelle dans les relations monogames, comme la tâche du repassage, c'est un peu pareil. Voilà. Du coup, c'était bien de jeter cette planche à repasser. J'ai plus jamais repassé, ni pour moi, ni pour personne, ni pour qui que ce soit. Et à aujourd'hui, la simple idée, la simple évocation d'un fer à repasser, je trouve que c'est vraiment voilà, quelque chose de qui m'insupporte. Une petite parenthèse, à partir de demain, c'est les 42 ans de Radio Dio sur le 89.5. Et pendant 2 semaines, il y a plein de programmes spéciaux et de trucs sympas. Vous pouvez aller voir la programmation sur le site. Bon, l'émission arrive à son terme. Pour les personnes qui ont un peu la forme là, ce soir, je vais finir en diffusant une lecture d'un extrait un peu long d'un bouquin de Elsa Dorlin qui s'appelle « Se défendre ». Dans l'extrait, on retrouve la description d'un récit culturel, celui des femmes victimes de violences, et on voit comment ce récit est entretenu par les images mêmes qui sont censées lutter contre. Donc il y a aussi un point qui est fait sur la perception des images, les rôles des spectatrices, l'identification. C'est un peu intense, c'est un peu intello, mais j'ai pas eu envie de couper des bouts parce que je trouve ça complet et cohérent. À bientôt dans Des litres de salive et puis bonne écoute. Elsa Dorlin, Se défendre. Chapitre répliqué, page 157. Sans défense. Depuis une trentaine d'années, les campagnes visuelles, radiophoniques ou télévisuelles portant sur les violences faites aux femmes ont quasiment toutes rejoué la même unique scène de violence. Elles l'ont répliquée. Actualisant ainsi la vulnérabilité prêtée à la féminité, plutôt que de proposer des formes alternatives de féminité et des outils pour répliquer à la violence, ces campagnes publiques ont échoué à prévenir la violence sexiste. En France, la première campagne nationale sur les violences conjugales se met en place en 1989. Si l'on s'en tient aux 10 dernières années, on peut mentionner les campagnes gouvernementales lancées en 2006 et 2007. « Je t'aime un peu, beaucoup, à la folie, pas du tout », qui montrent le visage maculé de coups d'une jeune femme avant de finir par montrer son cadavre à la morgue recouverte d'un drap bleu. C'est le cas aussi du spot de 2007 qui fait parler une femme victime de violence, décrivant tout ce que son mari lui a fait subir et qui affirme « Mais depuis 15 jours, c'est enfin terminé », le spot se terminant sur une tombe dans un cimetière. Mais aussi du « Parlez-en avant de ne plus pouvoir le faire », montrant des femmes bâillonnées et rappelant le numéro d'appel d'urgence mis en place, le 3919. En 2009, la campagne lancée par le secrétariat d'État chargé de la famille et de la solidarité met en scène 2 enfants jouant, un couple dont le mari est violent. Les campagnes triennales de 2008-2010 voient la création du site stopviolencefemmes.gouv et la diffusion du spot mettant de nouveau en scène une femme au visage tuméfié. Les campagnes des associations telles qu'Amnesty International ou celles de l'UNICEF diffusées en France ne dérogent pas à la règle et mettent en scène des femmes battues et leurs agresseurs, comme la campagne « La violence est toujours à la mode ». Sur l'affiche lancée en 2014, on peut voir une femme métisse ou descendante de l'immigration coloniale, quand la plupart des sujets classiques des campagnes précédentes étaient plutôt des femmes blanches, dont le visage est coupé en deux. Sur une partie de son visage, la photo est déchirée en plusieurs morceaux et comme recollée. Sur l'autre, elle est intacte. En bas, on peut lire le slogan suivant. « Contre les violences, la loi avance ». Le slogan de la campagne étant « Violence contre les femmes, la loi vous protège. En montrant la plupart du temps une femme, ou plus exactement en réifiant systématiquement les corps féminins mis en scène comme des corps victimes, ces campagnes actualisent la vulnérabilité comme le devenir inéluctable de toute femme. On ne voit que des visages tuméfiés, des corps portant des stigmates, des coups ou des blessures, sang, ecchymose, pleurant, implorant, criant ou au contraire mutiques, décomposés, en gros plan, en morceaux, des muscles tétanisés, des visages dans les mains prostrées, en donnant à voir des cadavres, des radiographies, des tombes, des ambulances ou des lumières de gyrophares, des enfants témoins éplorés ou victimes eux-mêmes de la violence sexiste. Les visuels proposés par ces campagnes exploitent également toutes les possibilités visuelles d'un dispositif technique, la photographie et plus généralement la culture visuelle, qui produit des effets de réalité démesurés. Ces campagnes dites de prévention ou de sensibilisation prétendent en majorité politiser la question en interpellant émotionnellement l'opinion publique en général et les femmes victimes en particulier en les incitant à réagir, à parler, avant qu'il ne soit trop tard. Elles promettent toutes de protéger les victimes. Plus insidieusement, ces campagnes interpellent également un troisième spectateur puisqu'elles expriment toutes leur intention de visibiliser auprès des auteurs des faits de violence la portée morale de leur acte. Ce mode de politisation des violences fonctionne sur trois présupposés. 1. L'idée que c'est en visibilisant un problème que celui-ci devient réel. 2. Que c'est en mobilisant les émotions et plus particulièrement l'empathie que la réalité d'un phénomène devient une réalité pour tous. 3. Que c'est en montrant les conséquences d'un acte ou d'une pratique que l'on touche les auteurs de ces actes, comme les sujets moraux susceptibles de prendre conscience de l'incivilité, de l'illégalité, de l'immoralité ou du danger sanitaire, social, humain de leurs actes. Dans ce dispositif, l'interpellation n'est pas simple. Elle renvoie à une technologie du visible complexe, articulée à trois perspectives, croisant trois positions, trois intentions, trois émotions. Pour reprendre les catégories analytiques pensées par Roland Barthes dans La Chambre claire, nous retrouvons l'opérateur, celui qui donne à voir, le photographe, le spectateur, celui qui regarde, le spectrum, celui qui est donné à regarder ou photographier. Regarder, être regardé, donné à regarder, Roland Barthes choisit le thème spectrum pour insister sur une double dimension. L'être photographié, regardé, est à la fois donné, en spectacle, et en même temps figé, capturé dans un présent à jamais momifié, d'où l'idée d'une présence spectrale. Le dispositif photographique a donc ceci de particulier qu'il fait advenir un être en faisant naître une image qu'il offre au regard et en même temps le mortifie instantanément. Le processus d'objectivation se vit comme une micro-expérience de la mort. Je deviens véritablement spectre. Or, cette métamorphose mortifère, capable de figer éternellement les scènes les plus vivantes et spontanées, devient d'autant plus fascinante qu'elle prend pour objet des mises en scène de violence, de souffrance et de mort. Dans les campagnes publiques sur les violences faites aux femmes, les sujets photographiés sont pour ainsi dire des spectres parfaits, performant des victimes effectivement mortes sous les coups de leurs agresseurs. Pourquoi la représentation des rapports de pouvoir, de genre, y compris dans leurs manifestations les plus tragiques, passe-t-elle par la simplification extrême d'un spectacle mortifère et reproductible à l'infini de la victimisation des femmes? En lisant les clichés de ces campagnes publiques, il faut d'emblée remarquer que ce sont des images qui nous viennent sans que nous choisissions. Nous les rencontrons au gré d'un trajet en métro, en bus, dans la rue, dans certaines administrations, sur Internet ou à la télévision. Il ne faut pas écarter la possibilité que ces clichés laissent la plupart d'entre nous dans un état d'indifférence d'autant plus probable que les images inondent notre quotidien dans un flux ininterrompu et de plus en plus dense. Toutefois, parce qu'elles sont construites comme des photographies publicitaires, leur sémiologie est souvent élémentaire. Le sens est simple, pur, clair, saisissable sans trop de réflexion. À ce stade, Roland Barthes distingue deux éléments dont la coprésence génère l'intérêt, ce qu'il appelle le studium et le punctum dans une photo. Le studium est le goût partagé, l'intérêt sur fond de référents culturels et intellectuels communs au spectateur et à l'image, ce qui rend cette dernière regardable, intelligible, digne d'être regardée avec une sorte de curiosité entendue, nonchalante, distante. Le punctum, au contraire, est ce qui va attirer l'attention du spectateur, le détail qui pique au vif,